Parle avec notre ami Phil Desgagnés, ça fait longtemps qu'il n'y a pas parlé. Salut Phil! Salut Danny. Phil, tu t'ennuies-tu du sport? Ouais, je m'ennuie, mais je pense que il y a des choses plus importantes que le Ouais. sport au moment où on se parle. Sauf que on perd le meilleur de la saison. Les gros tournois de golf s'en venaient, les championnats de curling mondial, les Canadiens s'en venaient. Il y avait les séries de fin de saison dans la Ligue March nationale. Madness, je sais pas si t'aimes ça, le March Le Madness. March Madness, Ouais. effectivement, la saison de baseball qui débutait. Tu avais également les séries éliminatoires dans la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue nord-américaine. Donc, c'était le plus beau de l'année. Malheureusement, ben, on n'aura pas l'occasion de vivre ce moment-là. Phil, comment tu vis. Mais moi je m'en ennuie pas, c'est sûr que moi j'ai toujours aimé les vieux matchs de hockey, fait des vieilles classiques. Fait que je suis correct pour un petit bout de temps, mais j'ai hâte que ça recommence. On va parler justement, je t'appelais aujourd'hui parce que je voulais savoir. Coudonc, les Saguenayens, c'est-tu aussi pire que les Expos de 94, ce qui est arrivé? Ben, écoutez, je pense que pour l'organisation, c'est une catastrophe, là, tu sais, je Ouais. veux dire, au niveau des résultats. Sur le plan financier, quand même, les dernières assistances, avec quand même 4, puis 3, puis 1 500, puis 4 000 personnes par match, on s'en sûrement emmagasiné des noisettes, sauf que ce qui s'en venait, c'était le meilleur, puis c'était des centaines de milliers de dollars qui ne seront pas dans les coffres de l'équipe, là. Faut pas se le cacher. Et cette année-là, on avait mis énormément d'énergie, quoique les Saguenay ont encore un bon club l'an prochain en passant, là. Sauf qu'il y a des décisions qui devront être prises par l'organisation à période des fêtes l'an prochain, parce que cette année, au repêchage, je pense qu'on a un choix de première ronde, un choix dans les 5 premières rondes, là. Donc, et l'année prochaine, ce sera pas beaucoup mieux. À partir de ce moment-là, est-ce qu'à la période des fêtes, Yannick Jean sera tenté de dire, je sacrifie deux, trois bons joueurs pour me garnir ma banque de repêchage pour relancer l'équipe, ou bien je continue cette année, puis je vais au maximum, puis je vivrai avec ce qui va rester après. Parce que dans la Ligue junior majeure du Québec, à l'inverse de l'Ontario, tu as le droit d'échanger ton choix de première ronde, ce que la Ligue de l'Ontario ne permet pas. Donc, tu as toujours ton choix de première ronde quand tu t'en viens au repêchage. Mais chez les Saguenayens, c'est pas le cas, là. On n'a pas de choix de 1, pas de choix de 2, pas de choix de 3, pas de choix de 4. Je pense qu'on a un choix de 5, là. Ouf, OK. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile. Mais il y a une chose qu'il faut regarder. Les Saguenayens ont encore un très bon club l'an prochain, là. L'un des bons clubs de la Ligue. Mais à la période des fêtes, quand certains clubs vont sacrifier pour être capables d'aller plus loin, les Saguenayens n'auront pas la banque qu'ils avaient cette année pour faire le chemin qu'ils voulaient faire. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils seront parmi les équipes de dire, on va vendre ce qu'on a, puis on va se regarnir puis immédiatement pour l'an prochain, puis les autres années? C'est la question que la direction de l'équipe devra répondre. Mais je pense que la pression va être énorme pareil, parce qu'on vu qu'on n'a pas passé cette année, puis ça faisait longtemps, là, Ouais, mais t'as quand même la porte de sortie toujours de dire on n'a plus rien faire. On aurait pu gagner. Ça, mais on le sait pas. Donc, on aurait pu être éliminé en première ronde et être la grande déception. T'sais, mais on n'a pas de réponse, là. Donc, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Est-ce que la Ligue est capable maintenant de dire l'an prochain, on va essayer de donner de l'air à des équipes qui avaient sacrifié beaucoup en donnant certaines choses? Je ne sais pas. Exemple, moi, j'ai pensé, au lieu de 3 joueurs de 20 ans, est-ce qu'on pourrait avoir 4 joueurs de 20 ans l'an prochain? Permettre aux équipes d'avoir une meilleure équipe, que les gens viennent pour avoir un meilleur spectacle, puis donner de la chance également à des équipes de mieux performer. Mais encore là, je ne le sais pas. Je connais pas la décision de la Ligue. Puis, pas j'ai eu l'occasion de lire l'article dans le Nouvelliste, Steve Turcotte, où il dit, Monsieur Courteau dit, ah, pas de problème, tout le monde va être là l'an prochain, tout le monde va vouloir se relancer, puis il posera un nouveau modèle d'affaires, sauf que il y a 5-6 équipes où c'est des multimillionnaires, ça change rien. Mais les 12 autres équipes, ils vivent avec des petites entreprises, des gens d'affaires qui sont bien nantis, mais pas ultra-millionnaires. Ces gens-là vont subir des contre-coups de ce qui se passe actuellement. Et à partir de là, est-ce que ces gens-là vont réinvestir? Deux, les personnes âgées qui vivent actuellement avec leur retraite ou pas vont être énormément affectées dans leurs revenus. Les gens qui ont perdu le job pendant une couple de mois, est-ce qu'ils vont se racheter des billets de saison? C'est toutes des si qu'on ne connaît pas la réponse. Si vous me dites qu'on repart dans 3 semaines, puis la vie recommence, je te dirais, je pense que les gens vont s'en tirer. Mais si ça se prolonge jusqu'au mois d'août, au mois de juillet, Alors, ça risque de faire mal pas mal plus. Ben oui, c'est clair, c'est clair. On sait tellement pas où qu'on s'en va, puis ça, c'est... Exactement. Puis deux, je veux dire, il y a tous des éléments qu'on ne contrôle pas. Exemple, il y avait des droits de TV qui devaient revenir. Là, on a coupé. On n'a pas de Coupe Memorial, on n'a pas de série de fin de saison. Les stations de télévision perdent de l'argent. Ils vont donner moins à la Ligue, ils vont donner moins aux équipes. Est-ce que, tu sais, est-ce que les commanditaires majeurs vont décider de dire on met notre argent ailleurs? La Coupe Memorial, les profits, au départ, ça donne toujours un million et demi à la Ligue canadienne qui répare ça avec les clubs. On ne l'a pas cette année, ça. Mm. C'est tout des choses qu'on doit analyser, on doit regarder. Puis, je pense qu'à partir de là, comment on va vivre avec ça? Ben, c'est comme les entreprises actuellement qui vivent la situation. Tu sais, oui, le gouvernement dit « va vous aider », mais après, le gouvernement va vouloir revoir et ravoir son argent. Ben, c'est clair. Là, on va aider les individus. Ben, quelque part, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va payer la facture, là. Ben, les impôts, moi, je le dis toujours, parce que ça va coûter une beurrée, puis c'est le monde qui va payer, là. Les impôts, faut pas penser, moi, je dis toujours, les impôts et les taxes et les déficits sont les impôts et les taxes de demain, hein? Ah, c'est exactement ça, Danny. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça, l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas. La Ligue nationale de hockey dit on perd un milliard. Est-ce que l'an prochain, est-ce que autres, ils réussiraient? Parce que autres, ils prétendent qu'ils pourraient peut-être faire des séries en août et en septembre. À ce moment-là, ils récupéraient une partie de leur perte. Mais encore là, faut tout s'entendre avec l'association des joueurs. Les joueurs ont été payés jusqu'à la fin, là. Au mois d'août, au mois de septembre, ils joueraient bénévolement, entre guillemets, mais ils sont pas mal pris, là. On pleurera pas sur le sort. Mais c'est toutes des choses qu'on ne connaît pas, puis on n'a pas la réponse au moment où on se parle. Le Canadien, sais-tu que Marc Bergevin, dans le fond, il trouve pas ça drôle non plus, mais il doit quasiment être content dans un sens d'avoir la paix, hein? Ben, c'est sûr que là, il y a des changements qui auraient pu être apportés dans différentes équipes, selon les résultats des séries de fin de saison, avec le... Et là, on voulait augmenter le plafond salarial. Est-ce qu'on va vraiment l'augmenter avec tout ce qui se passe actuellement avec les propriétaires qui perdent de l'argent? Peut-être qu'on ne l'augmentera pas, puis la marge de manœuvre va être encore plus serrée pour les propriétaires d'équipe. Les changements vont être encore moins grands. Et deux, tu sais, je veux dire, on dit on va couper les salaires ou n'importe quoi. Puis loin d'être sûr que les joueurs vont accepter de faire réduire leurs salaires, mais les propriétaires, à quelque part, qui perdent de l'argent, sont en affaire pour faire de l'argent. Là, ils ne sont pas en affaire pour en perdre. Donc, à ce moment-là, eux aussi, on a des décisions à prendre. Donc, on est dans l'inconnu, Danny. Moi pis toi, on connaît pas la réponse. Non. Ce que je te dis aujourd'hui, peut-être que je vais avoir raison, comme peut-être que M. Fourvoyer, puis ça va repartir en grande, puis tout le monde va être bien heureux, puis il n'y aura pas de temps de deuxième rebound, mais on ne le sait pas. Ben, tant aussi longtemps, si on retarde, ça va être catastrophique, là. Ça... Ah non, plus on retarde, plus ça devient difficile, là. Ouais. Mais c'est le monde du sport, c'est le monde des affaires, c'est le monde culturel, c'est le monde partout, là. Ça sera plus jamais pareil après, quand on aura repris la vie régulière, là. Après-midi, je regardais, je me promenais dans les rues, dans mon quartier, sais-tu quoi? Tous les résidents, toutes les voitures sont là. Il n'y a pas une voiture dans la rue, il n'y a rien qui fonctionne, tout le monde est arrêté. Est-ce que on n'a jamais vu ça, là? Moi, non, pitié, je me dis, c'est quoi l'avenir? On le sait pas. Mais ça demeure qu'il y a beaucoup d'interrogations, qu'on n'a pas la réponse, puis probablement, tu sais, quelqu'un disait ce matin, t'as une guerre, tu sais que t'avances, tu sais que tu perds du terrain. On avait la crise du verglas, on savait qu'on montait des cônes, puis on approche, on recollecte une partie, on fait une deuxième partie, mais là, on ne connaît pas l'avenir. Tu sais, moi, j'écoute le premier ministre, qui fait un job extraordinaire, mais je me dis, est-ce qu'il nous dit tout? Probablement pas. Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on est au début? Est-ce que ça va monter? Est-ce que c'est dans le pattern qu'il avait prévu? Je sais pas. Moi, là je connais pas ça. Là. Ben, regarde, le 5 février, Horacio Moura disait que de pas craindre ça, le COVID-19, que ça ne nous toucherait pas. Puis finalement, ben, tu vois l'impact, hein? Donald Trump, lui, était sûr de ça, puis aujourd'hui, puis là, je lisais un article il y a quelques minutes, de Donald Trump, qui, lui, personnellement, veut relancer l'économie. Mais derrière ça, lui, sa fortune est où? Dans les hôtels, dans les édifices et dans les clubs de golf, partout à travers le monde. Ouais. C'est tous des affaires qui sont énormément affectées au moment où on se parle. Les hôtels sont vides, les terrains de golf sont vides, et les compagnies n'ont pas le moyen de payer leur loyer. Donc, Il est affecté partout, il perd de l'argent partout. Phil, t'as bien beau dire l'économie. Et quelque part, il va y avoir des drames sociaux, il va y avoir des suicides, il va y avoir plein d'affaires. Plus personne ne parle de ça. Entièrement. C'est sûr qu'il y aura toujours, quelque part, des situations qui vont être difficiles. Mais, comme je dis, moi, je suis dans mon condo. À mon âge, je suis obligé de rester chez nous. Ouais. J'attends. Puis, je respecte les normes, puis je respecte les directives, puis... J'attends qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On s'en reparle, Phil, quand l'actualité va l'exiger. Peut-être dans 2-3 semaines, 1 mois, il ne se passe plus grand-chose. Merci. Phil de gagner.